Tu penses y vivre à fond en retombant dans les bas-fonds. La rue t'attire dans le goudron au point de laisser tes poumons. La picrave reste le diplôme, on a le bac de la débrouille. L'école a tué l'orientation qu'aujourd'hui on sent nos couilles. Rester sur l'échec ne fait pas de toi un vrai bonhomme. Il faut toujours te relever pour frapper le sac du summum. Le frigo est vide car le vide est devenu transparent. Ne laisse jamais ton courage en chien si tu as besoin de tes parents. Si la thune t'offre la survie, n'hésite pas une seconde. Nos plumes ne doivent pas être affichées sur le mur comme la Joconde. On va dormir avant la retraite, donc autant niquer le système des gros bouilleux. Dépouille nos poches pour prendre de la vitesse. Les infos ne nous soignent pas et l'audimat explose nos vies. Pas besoin d'être nocif, on va droit à la génocide. Appartenir les promesses, ils nous mettent des vents. Si tu pars en dépression, ne t'assois pas sur le divan. L'école de la débrouille, pas besoin de faire l'ABC. Si tu as la rage de vaincre, évite de te faire abaisser. Je suis pas cordial car je suis un animal. Y'a beaucoup de choses que je dois brûler car je vis mal. T'auras beau inciter les gosses à construire le futur, mais tu verras que le lever sera encore plus dur. On a un savoir, à nous de connaître notre rôle. On se doit de réussir et non de croupir en tôle. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. L'école de la débrouille aujourd'hui a fait de nous des hommes. À chacun son passé, l'avenir est dans nos mains. À nous tout faire pour pas le gâcher. Mon frère, lève-toi, bats-toi et va chercher ce que la vie ne t'offre pas. C'est peu à peu, ouais, pas à pas que chaque jour je réalise que la musique me fait du bien. Me rend à l'aise, je suis pas balèze, je suis comme tout le monde. Parfois je balise. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, reste un bonhomme et profite de la vie. Ne jamais négliger son entourage. La famille c'est sacré comme Aznavour. Je vous parle d'un temps qu'il est moins de 20 ans, on peut pas connaître. Dans la vie faut se battre mais jamais se soumettre. Chaque jour on avance dans la certitude. Un peu perdu dans ta tête, seul dans la solitude. Les soucis ne cessent de prendre de l'altitude. Genoux à terre, on dit que les chutes servent à mieux se relever. Comme une cicatrice marquée, et la douleur reste impossible à effacer. La douleur est impossible à effacer. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille. Aujourd'hui notre rôle est d'apporter de nos propres mains. Ne jamais laisser nos clés pour voir s'éclipser le destin. Y'a l'école de la vie et l'école de la vadrouille. Aujourd'hui on doit tous passer par l'école de la débrouille.